Pas possible d'être comme ça. Pas possible d'être comme toi. Oh, pas possible d'être comme ça. Oh, pas possible d'être là. Pas possible.